Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast concernant la pleine lune du mois d'octobre 2022. Elle va se produire le dimanche 9 à 20h56 GMT, soit à 22h56 en France, à 16 degrés du signe du Bélier. Donc lorsqu'une pleine lune en Bélier se crée, le Soleil est en balance et la lune se situe juste en face de lui, au degré près sur le zodiaque en Bélier. Il s'agit d'une opposition Soleil-Lune. Alors, la pleine lune en Bélier est une pleine lune dynamique. C'est une pleine lune d'action qui pousse à entreprendre. Lors d'une pleine lune en Bélier, le Soleil et la Lune sont dans l'axe moi, moi plus l'autre. Donc en fait, vous avez la Lune en Bélier qui est un signe plus individualiste, qui attire ici notre attention sur ce que nous voulons vraiment et comment nous allons agir par rapport à l'autre, c'est-à-dire ici représenter le Soleil en Balance qui est un signe plus relationnel. Donc, lors de cette pleine lune en Bélier, c'est une pleine lune, donc le Bélier est un signe de feu comme le Lion et le Sagittaire. Eh bien, c'est vrai que sous une pleine lune de feu, on a plus de mal à dormir. On est souvent plus agité. On sent qu'on a besoin d'agir pour trouver le bien-être, pour ajuster nos relations en fonction de nos besoins propres. Alors, petit zoom sur la pleine lune du 9 octobre en Bélier. Le 9 octobre, la pleine lune en Bélier, elle est liée au trigone de Vénus et de Saturne. Donc, Vénus, c'est une planète d'amour, d'union, et Saturne, un astre lié à tout ce qui est solide, à tout ce qui est durable. On peut vraiment penser donc que sous cette pleine lune, eh bien notre vie sentimentale va se consolider. Il est sans doute temps d'agir pour cela, en tout cas. Donc une pleine lune, comme c'est souvent un éclairage, vous pourriez peut-être apprendre qu'on vous aime plus que vous ne le soupçonniez, que quelqu'un peut-être a envie de s'engager avec vous, et du coup, eh bien, la question peut se poser, et vous, est-ce que vous avez envie aussi de vous engager? Mais cela dit, les couples récents, les célibataires ne sont pas les seuls concernés. Il peut aussi s'agir ici de projets à long terme en duo qu'on vous propose. Donc avez-vous envie de repartir vers de grands, vers de longs projets communs, par exemple? Alors par extension, on peut aussi interpréter cela autrement. Il peut s'agir ici, comment dire, d'un engagement ou d'un contrat professionnel qu'on vous propose, et donc la nécessité d'y répondre assez rapidement et de prendre les bonnes décisions. Alors notons que cette pleine lune, c'est vrai qu'elle est aussi bien reliée au trigone entre Mars en Gémeaux et Saturne en Verseau. Donc ici, on a l'élément air qui est assez présent, puisque le Gémeaux et le Verseau sont deux signes d'air. Et cet élément air, il accentue les échanges. Donc ce trigone, eh bien, il signifie que nos actes sont efficaces et qu'ils peuvent donner des résultats immédiats, d'autant que Mercure, enfin, a repris sa course directe tout début octobre. Le 1er octobre, or là, on est le 9 au moment de la pleine lune. Donc j'ai l'impression qu'ici, eh bien, les choses se débloquent et peuvent évoluer favorablement. En tout cas, on peut agir en fonction et rester optimiste par rapport à la bonne évolution de nos actes. Donc, en bref, cette pleine lune, eh bien, elle nous exhorte à agir pour conclure un accord, pour signer un contrat, pour nous engager avec quelqu'un, pour proposer une relation ou en accepter une, pour lancer le débat d'un mariage, le débat d'un contrat, etc. Alors, tout le monde est concerné par les pleines lunes, mais les signes ici les plus touchés, donc par la pleine lune en bélier, sont bien sûr les béliers, en face les balances, au carré on a les cancers et les capricornes, au sextile et au trigone on a les lions, les sagittaires, les gémeaux et les verseaux. Mais vous serez aussi plus sensible à cette pleine lune si votre ascendant ou si votre lune tombe dans l'un de ces signes. Alors, petit horoscope pour ne laisser tomber aucun signe de toute façon. Pour les béliers, eh bien la pleine lune dans votre signe, elle peut vous rendre vraiment nerveux. Mais c'est parce qu'il est temps de savoir si vous voulez ou non vous engager dans une voie. Taureau, la pleine lune, elle vous encourage à oublier ou à passer au-dessus d'une douleur du passé afin d'accepter de vous ancrer ou d'approfondir des liens. Gémeaux, Mars et la pleine lune vous incitent à aller de l'avant dans une collaboration, à lancer, bien pourquoi pas, une entreprise commune, à reprendre contact avec des amis, etc. Cancer, la pleine lune encense vos démarches professionnelles, c'est le moment de signer un contrat, de vous engager dans une nouvelle mission, une entreprise, etc. Pour les lions, vous pourriez avoir un déclic concernant un projet dans lequel vous hésitiez de vous engager, à moins qu'une proposition vous enchante. Vierge, c'est le bon moment pour signer un acte qui vous engage, pour acheter, pour vendre, etc., sans craindre de vous fourvoyer. Balance, vous passez un cap dans votre couple, vous rencontrez la perle rare, vous acceptez une proposition sentimentale ou vous vous lancez dans une déclaration. En tout cas, c'est le bon moment pour agir. Scorpion, la pleine lune vous invite à envisager un nouvel engagement professionnel, à établir des accords avec des collaborateurs, des clients, etc. Sagittaire, mettez en avant votre créativité au travail ou dans vos loisirs. Des liens amoureux peuvent aussi prendre une tournure plus officielle si ça vous chante. Capricorne, c'est le moment de signer un contrat concernant votre habitat. Vous pouvez aussi vous engager dans un projet commun avec votre famille, par exemple. Verseau, un arrangement financier, une signature d'affaires peut vous satisfaire en ce jour. En tout cas, déplacez-vous si besoin, téléphonez, démarchez, vous ne devriez pas le regretter. Poisson, un espoir amoureux peut se concrétiser à condition que vous agissiez. Alors soyez acteur, actrice de votre vie et non spectateur, spectatrice. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune et vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la nouvelle lune à venir. À bientôt.